Dans la pénombre matinale d'un matin des plus crasseux, le vieux porc gronde et râle de ses chaluts tristement vieux. Dans la lumière des lampadaires, certains marins s'activent à décharger des caisses entières, l'abattoir amarré à la rive. Le petit porc inconnu que les badauds ont connu raconte ses légendes tragiques, trop souvent méconnu de beaucoup d'hommes déçus d'aventures fantastiques. La digue se perd à l'horizon, où le ciel rencontre la mer, dans un bleu clair des plus profonds, loin des civilisations et de la terre. Les cliquetis des palans, celles que transporte le vent, que l'on peut entendre le soir. Le petit port inconnu que les badauds ont connu raconte ses légendes tragiques, trop souvent méconnu de beaucoup d'hommes déçus d'aventures fantastiques. Les badauds ont connu racontent ces légendes tragiques, trop souvent méconnues de beaucoup d'hommes déçus d'aventures fantastiques. Les vieux marins peuvent vous la conter, faut-il savoir leur demander? Car souvent ivres et à l'écart, converser avec eux est bien rare. Moi j'ai découvert cette histoire, elle me conte la grande gloire, de ses humeurs et de ses colères, de son caractère capricieux. Le petit porc inconnu que les badauds ont connu raconte ses légendes tragiques, trop souvent méconnu de beaucoup d'hommes déçus d'aventures fantastiques. Le petit porc inconnu que les badauds ont connu raconte ses légendes tragiques, trop souvent méconnu de beaucoup d'hommes déçus d'aventures.